Alors bonsoir et bienvenue au Centre de l'Universalité. C'est François Payotte qui vous souhaite la bienvenue à cette conférence de Daniel Kemm. Comme il y a beaucoup de nouveaux visages dans la salle, je vais me permettre de faire quelques annonces pour expliquer comment ça fonctionne un petit peu. La conférence se déroule en deux temps, trois mouvements, c'est-à-dire qu'il y a deux parties de conférence avec une pause d'une demi-heure. Chaque partie de conférence dure une heure. La première partie, donc, c'est un entretien avec Daniel Kemm. La pause ensuite. À la pause, la conférence est prête sur cassette. Vous pourrez vous la procurer au kiosque à cassette en sortant à droite. Et dans la deuxième partie, on vous demande de poser vos questions par écrit sur les petits papiers qui sont prévus à cet effet dans la salle d'accueil. Préparez vos questions, même si elles viennent, c'est encore plus intéressant, si elles viennent en cours d'entrevue. Préparez vos questions, puis vous nous les faites parvenir en avant. Je vous rappelle également que pour les gens qui viennent ici pour la première fois, lorsque vous décidez d'acheter, par exemple, ce soir, le billet de la conférence prochaine de Daniel qui aura pour titre « Ce qui ne se pense pas », qui sera une conférence qui portera sur le savoir instantané, vous achetez votre billet ce soir, vous avez donc la première partie de cette entrevue gratuitement, première cassette. En ce qui concerne les activités de Daniel Kemm, son prochain séminaire intensif sur l'homme nouveau se déroulera le 5 et 6 avril prochain. Les personnes qui sont intéressées à avoir de l'information ou à s'inscrire éventuellement, voyez M. Mario Gosselin qui est le relationniste du Centre d'Universalité. Je vous rappelle également qu'à la pause, vous pourrez vous procurer le livre de Daniel Kemm, celui-ci, « Il n'y a pas d'autre terre, pas d'autres hommes », qui sera disponible à la pause. Qu'il faut remplir le coupon bleu pour participer au tirage d'un prix d'un voyage d'une fin de semaine de voile sur le lac Champlain et le mettre dans la boîte qui est prévue à cet effet. Et que le prochain symposium aura lieu le dimanche 23 mars. Il y aura donc la participation de Daniel Kemm, Maryse Thomas, Raphaël Payeur et Roger Drollet. Ce soir, c'est un événement un peu particulier puisque ça va être la 100e conférence de Daniel Kemm au Centre d'Universalité. Alors à cet effet, pour cet événement, toutes les cassettes de Daniel Kemm seront réduites de 2 $. Alors si vous désirez rattraper le temps perdu, il y a 99 autres cassettes de prêtes qui vous attendent tout à l'heure avec 2 $ de rabais dessus. C'est intéressant si vous achetez les 100 cassettes. Voilà, alors il me reste simplement maintenant à accueillir notre ami Daniel Kemm. Daniel Kemm. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Ce soir, au menu, c'est la recherche de son esprit. Alors je pense que, comme il y a beaucoup de nouveaux arrivants, il va peut-être falloir y aller d'abord d'une définition, parce que il me semble qu'il y a beaucoup de confusion entre ce qu'on appelle l'esprit, puis l'âme, puis peut-être même les définir par rapport à l'ego. Faire un petit peu de terminologie ésotérique. Oui. Alors disons premièrement que le terme esprit, tel que moi je l'emploie, n'a rien à voir avec les mécanismes de la spiritualité ou du spiritisme, même si dans le terme spiritualité et spiritisme, on retrouve le mot esprit. L'esprit qui sert d'objectif d'évolution à l'homme n'est pas un esprit qui vit dans le monde des morts. Donc, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un maître désincarné. L'esprit n'habite pas l'homme non plus, donc un être humain ne peut pas être mal ou malade dans son esprit. Il ne peut pas non plus avoir l'esprit dérangé. Normalement, traditionnellement, de par l'éducation qui a été faite aux masses, par les organisations religieuses, les religions organisées et les écoles traditionnelles, on a toujours cette faculté majeure de mélanger les termes ou de laisser choir les termes. Alors, il vient un temps où Dieu ne veut plus rien dire. Ou si vous préférez, Dieu veut dire trop de choses. L'esprit, c'est trop. La religion va souvent privilégier l'âme aux dépens de l'esprit, alors qu'ils vont se servir du terme « esprit de Dieu » pour parler d'un contact avec Dieu. Alors, si on se fie à la traditionnelle étymologie, de temps en temps, l'âme est supérieure à l'esprit,

Pour l'instant, ce sont des théories, comme Darwin en a émis. Et à un moment donné, on a permis de comprendre, comme Albert Einstein en a émis, et on a ajusté. Mais bon, c'est la conscience, en fait, qui nous permet de prendre conscience. On ne peut pas dire ça autrement. Daniel, on te remercie beaucoup pour cette première partie. Merci. Alors, je vous rappelle donc pour que...